c'est bien la moindre des choses, le documentaire d'Elsa Maury sur une bergère éleveuse qui tue elle-même ses bêtes. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, dernier épisode, à l'école des bouchers. Mais en attendant, restez à l'écoute. Vous écoutez France Culture. Avant que ça commence, je préfère te prévenir. On n'a aucune chance, on n'a pas d'avenir. Tout est sur la table, au moins t'es fixé. Pas de faux départ, de cœur agité. Sur le bord de la route, je veux pas m'engager. J'ai toujours fait du doute, la seule vérité. Et quand viendra mon tour, j'aurais jamais cru décimer l'amour avant de l'avoir vu. Et quand je serre Joula contre mon corps, j'ai des regrets. Tout ne passera pas dans les bars sombres et les soirées. Mais tu sais, Joula, tous les refrains à la radio. S'ils parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Que la magie du love opère et que tu sois le plus beau sur la terre. À rigoler comme dans les séries B. Danser des slow avec toi tout l'été. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. T'en fais pas pour moi, je connais ce petit jeu. J'ai pas l'air comme ça, mais je sais ce que je veux. On est bien d'accord, je vais pas m'attacher. Juste crier encore après tes fessées. Je vais pouvoir me dire que je suis pas trop conne. Que j'ai bien fait de jouir sans qu'on s'abandonne. Et quand viendra mon tour, j'y aurais jamais cru. Décimer l'amour avant de l'avoir vu. Et quand je serre Joula contre mon corps, j'ai des regrets. Tout ne passera pas dans les bars sombres et les soirées. Mais tu sais, Joula, tous les refrains à la radio. S'ils parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Que la magie du love opère et que tu sois le plus beau sur la terre. À rigoler comme dans les séries B. Danser des slow avec toi tout l'été. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Mais tu sais, Joula, tous les refrains à la radio. S'ils parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tu sais, Joula, tous les refrains à la radio. S'ils parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Que la magie du love opère et que tu sois le plus beau.